Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute de l'émission Mosaïque. Mosaïque d'aujourd'hui porte sur la sécurité à l'est de la RDC, dans le nord et le sud Kivu et dans la plaine de Limbo, respectivement dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. Depuis 2022, dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi s'est joint aux autres pays sur demande de la RDC pour envoyer ses troupes à l'est de ce pays après que le mouvement M23 ait multiplié des attaques contre les troupes du gouvernement congolais FARDC en sigle. Depuis que les troupes burundaises sont sur le sol congolais, qu'est-ce qui a changé en matière de sécurité au sud et au nord Kivu, ainsi que de l'autre côté du Burundi? On notait qu'avant l'envoi des militaires burundais de l'autre côté de la Rusizi, les habitants de la plaine d'Olimbo, côté burundais, subissaient des attaques sporadiques qui étaient consécutives dans certains villages et sur la RN5, route Bujumbura-Cibitoke. Des hommes armés qui se réclamaient de mouvement Red Tabara revendiquaient ces offensives qui ont fait des morts à Gatumba dans Mutimbuzi, à Buringa et Kagwema dans Gihanga. Quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire, que ce soit à l'est de la RDC, au sud Kivu et au nord Kivu, que ce soit aussi à l'ouest du Burundi? Quelles sont les appréciations des Congolais qui fouillaient tout le temps, kidnappés et pillés par des groupes armés, soit en craignant que le M23 puisse prendre en main plusieurs territoires? L'on voit que toute la communauté est-africaine s'est mobilisée pour aller soutenir la RDC. Quels sont les enjeux? Le Rwanda a été longtemps accusé d'être derrière le M23, mais pas des sanctions contre ce pays des mid-collines. Et là, quels sont les commentaires à faire? Avant l'envoi des troupes burundaises en RDC, des attaques étaient perpétrées sur le sol burundais. Mais aujourd'hui, il y a un léger mieux. N'est-ce pas que les troupes burundaises sont aussi partis en RDC pour anéantir et contrecarrer les groupes armés burundais? Voilà quelques questions qui vont nous guider dans ce débat. Et pour y arriver, nous avons trois invités dans ce débat, à savoir le général de brigade Gaspard Baratouza, porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Et bonjour, merci pour l'invitation. Nous sommes aussi avec Guillaume Ndaï-Kengurutse, politologue, enseignant de sciences politiques et relations internationales. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes les bienvenus. Je suis également avec Léopold Ndaïsaba, l'administrateur de la commune Gihanga, qui a été à plusieurs reprises cible des attaques des groupes armés en provenance de la RDC. Bonjour, monsieur l'administrateur, et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. À la Camille du son, je suis avec Eric Ouimana. Innocent Bibonimana est à la prise des images, à la réalisation, c'est Médard Niyonguru, Evariste Ndikobanyanga. Je suis à l'animation de cette émission qui vous a conjointement été préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Bénévolentia Grand Lac. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Plantons donc le décor de ce débat par le reportage de notre correspondant en RDC, Jérémy Kouhima, sur l'état des lieux de la situation sécuritaire à l'est de la RDC après que les troupes burundaises sont sur le sol congolais d'il y a 2 ans. Nous avons contacté en provenance de Bukavu pour Uvira en passant par la plaine de la Ruzizi. Et c'est la même qui habite dans cette partie de la plaine de la Ruzizi. Il félicite énormément la présence des militaires burundais aux côtés des forces armées de la RDC et FARDC qui ont sécurisé cette plaine depuis qu'ils se sont installés. À Kamanyola, Luvungi, Bwegera, Luberizi, Sangue et même jusqu'au niveau d'équilibre Kiba. La population s'est dit très contente de la présence de ces militaires. Sinon, ils se rappellent comment est-ce qu'on faisait descendre des gens dans des véhicules, on les déshabillait, ravir les téléphones, de l'argent et autres biens de grande valeur avant de vous libérer. À certaines occasions, il y a eu crépitement des balles, des personnes ont été soit tuées ou blessées, mais avec l'arrivée des militaires burundais, tout cela a changé. En voici le témoignage. Mon appréciation est très bonne, est vraiment bonne par rapport à la présence du contingent burundais à Uvira et dans la plaine de la Ruzizi et sur le littoral du lac Tanganyika. Nous avons vécu des situations d'insécurité grandissante. Les paisibles citoyens ne pouvaient pas avoir l'occasion d'évacuer librement leurs occupations champêtres, à faire d'autres activités qui pouvaient leur donner l'occasion de survivre. Beaucoup de choses ont changé. Le temps passé, il y avait des tueries, des enlèvements, des vols, des kidnappings. On avait toute la crainte au ventre qu'on ne pouvait pas faire un voyage sans pour autant les rencontrer en cours de route. On ne pouvait pas faire des jours sans être inquiété par les situations. Toute la route Uvira-Bukavu ou vice-versa, les choses ont changé. Il y en a même qui vont jusqu'au soir. Le chef de la chefferie plein de la Ruzizi, Mwami Richard Nijimbere Kinyoni III, lui pour sa part, félicite la présence de ses militaires burundais. Il félicite également les forces armées de la République démocratique du Congo. Il félicite également les deux présidents, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Ndayishimiye, pour avoir décidé ensemble à conjuguer pour éradiquer cette insécurité. De la chefferie, dans la plaine de la Ruzizi. D'abord, nous allons saluer l'effort de nos FRDC compte tenu des difficultés d'ordre sécuritaire auquel il s'est heurté. Mais depuis, n'est-ce pas, l'arrivée des forces armées burundaises, les gens sont en train de quitter Bukavu pour Uvira, même la nuit. C'est pourquoi nous pouvons vraiment féliciter cette initiative qui a été prise par notre président, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, qui travaille en commun pour essayer de contenir l'insécurité. Les acteurs de la société civile, pour leur part, donnent des témoignages sur les situations qui avaient prévalu auparavant et les changements qui ont été remarqués. Nous, comme société civile représentant les habitants des quartiers Kiliba, Sangue, Luberizi, Bouéguer, Aluvungi et partout là, nous sommes contents des accords qui ont été obtenus entre les autorités congolaises et burundaises pour sécuriser la plaine de la Ruzizi. Oui, disons merci à l'armée voisine du Burundi pour le travail qu'ils sont en train d'abattre dans notre milieu en sécurisant des Kamanyola jusqu'au niveau de Kiliba. Plus précisément, Arushima jusqu'à Kiliba, là c'était devenu plus catastrophique. Chaque jour, les véhicules subissaient des pillages et les gens étaient amenés en forêt. Oui, nous voyons un changement. Les véhicules se permettent même aujourd'hui de circuler même la nuit. Ils peuvent quitter Bukavu le soir et arriver à Uvira ou quitter Uvira le soir et aller à Bukavu. Retenez cependant que certaines personnes manifestent encore une méfiance à l'endroit de ces militaires, les accusant de pactiser avec les habitants de la plaine de la Ruzizi parlant la langue Kirundi. D'autres pensent également que ces militaires pouvaient venir et ne plus rentrer et s'éterniser en République démocratique du Congo. Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Télévision Isanganiro. Voilà, ce sont les avis et considérations de la population de différents coins du Sud Kivu. Quelles sont à leur tour les appréciations de nos invités? On commence par général de brigade Baratouza. La présence de l'armée burundaise est salutaire de l'autre côté de la Ruzizi. Merci pour les interventions des uns et des autres. Comme on vient de l'entendre, des voix des gens qui sont sur place. Et nous avons entendu qu'il y a des appréciations positives, des activités de nos militaires qui ont été envoyés en République démocratique du Congo pour se joindre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour sécuriser la frontière commune en vue de garantir la sécurité et pour que la population puisse vaquer quotidiennement à ses activités comme on l'a entendu. Et c'est un apport positif qui enchante le commandement de la force de défense nationale du Burundi, puisque nos militaires ils savent ce qu'ils font, ils ont de l'expérience, c'est une armée professionnelle. Après l'intégration de 2005 réussie, nous avons commencé à faire des missions multiples à l'échelle internationale. Alors, sécuriser en voisin, participer dans la sécurisation de nos pays respectifs et limitrophes, c'est tout à fait normal. Et nous sommes très ravis de ce témoignage qui est un sourire toujours prodigué à l'endroit de nos militaires avant les renvois. Oui, et du côté de l'armée, quelles sont les actions déjà menées, des actions qui sont concrètes? Les actions qui sont menées à l'armée, c'est tout part de la formation. Il y a une formation de base solide, que ce soit au niveau des militaires de rang, à la catégorie des sous-officiers et des officiers. Nous dressons un programme de formation qui est axé sur les conditions du moment. Donc, on adapte les modules de formation en fonction des besoins. Chaque catégorie reçoit une formation spécifique pour exécuter les missions qui lui est confiée conformément à la situation qui évolue sur le terrain. Raison pour laquelle, si tu prépares bien un militaire, il va te donner un beau fruit. C'est tout à fait normal. Donc, nous sommes très ravis, nous sommes très contents que la formation de base, que ce soit pour les militaires de rang, pour les sous-officiers, pour les officiers, que le résultat est visible et palpable, vu par tout le monde. Voilà, c'est la prestation, que ce soit au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau international. Vous parlez de l'appréciation positive. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de défi. On a entendu dans le reportage de notre confrère qu'il y a des Congolais qui se méfient toujours de l'armée burundaise, l'accusant de pactiser avec les Congolais qui parlent Kirundi là-bas. Est-ce un défi? Est-ce un problème? Et vous voyez, lorsque on arrive sur un terrain, là, on doit y rencontrer des obstacles. Il y a toujours des obstacles à surmonter. Et il n'y a que des avantages, des opportunités, mais aussi et des atouts. On s'attaque toujours à des menaces, mais aussi il y a des faiblesses ou bien des pièges qui sont tendus qu'on doit surmonter. Par une langue, ce n'est pas une chose mauvaise. Une langue, c'est un outil de communication pour se faire entendre. Alors, s'il y a des gens qui accusent certains militaires d'avoir entretenu des relations suite à la langue, là, ce sont des préjugés. Je dis des préjugés. L'essentiel, c'est le produit final. Qu'est-ce qu'on fait? La sécurité est là. On a entendu que la population maintenant va à ses occupations champêtres. Le mouvement des véhicules se fait pendant la nuit sans difficulté, à partir de Vira vers Bukavu. Et vice-versa. Et vice-versa. Alors qu'au départ, il n'y en avait pas cela. Il y avait des pillages, des banditismes sur les axes routiers. Des kidnappings. Des kidnappings. Cela a cessé. C'est ça l'essentiel. Oui. Sinon, des préjugés, autre chose. Moi, je crois que ce sont des choses, des préjugés mineurs qui ne peuvent pas nous empêcher à servir conformément à notre mission qui a été assignée. Merci beaucoup, mon général. Je suis autour de ce plateau avec l'administrateur de Gihanga, Léopold Ndayisaba, une localité qui fut la cible des attaques répétitives. Vous avez entendu des appréciations de l'autre côté de la Rusizi. Qu'en est-il de la situation à Gihanga? Est-ce que la présence de l'armée burundaise en RDC a d'impact positif sur la sécurité dans Gihanga, dans la plaine de Limbo? Merci beaucoup pour cette question. Mm-hmm. Je dirais que la situation sécuritaire est très bonne dans notre commune de Gihanga. Mm-hmm. Et cela grâce aux efforts conjugués entre toutes les parties prenantes, parce que la sécurité n'est pas l'apanage de ces corps de défense et de sécurité. Mm-hmm. Et également, vous savez que notre commune est frontalière avec la RDC. Il y a également un grand parc de la Rusizi qui favorise et parfois à ces malfaiteurs de pouvoir commettre des forfaits dans notre commune. Mais il y a des avancées très très significatives au niveau de la sécurité. Et nous saluons, en l'occurrence, les forces de défense qui sont présentes dans notre commune parce qu'ils sont là pour défendre, protéger les frontières. Mm-hmm. Mais comme vous l'avez signalé, ils ne sont pas à mesure de faire un broc sans porosité. Mm-hmm. C'est pourquoi, auparavant, il y avait vraiment des malfaiteurs qui venaient commettre des forfaits dans notre commune. Et en 2015, il y a eu des cas de kidnapping. Des gens dans notre commune étaient kidnappés et exigeaient des rançons pour être libérés. Mm-hmm. Et cela a s'opéré en RDC. C'était là où se trouvaient ces bandits. Mm-hmm. Je les qualifie des bandits. Mm-hmm. Mais au début de cette année, il y a eu, je dirais, un cas qui vraiment est à déplorer, où des gens innocents qui étaient en deuil ont été massacrés. Mm-hmm. Je dirais que ce sont des terroristes. Donc ces bandits sont transformés en terroristes. Alors nous saluons très positivement la présence de nos militaires en RDC parce que ils sont actifs. Mm-hmm. Et voilà qu'il y a de bons fruits dans notre commune et au niveau de la sécurité. La sécurité vraiment est très bonne et la population vraiment s'en réjouit et est occupée par des activités de développement. Donc, nous saluons vraiment le fait que des stratégies ont été prises visant à améliorer la sécurité dans notre commune. Mmh. Et si ce n'est pas un secret de polichinelle, comment est-ce qu'est l'encadrement de la population en cette matière de sécurité à Gihanga précisément? Bon, merci. Notre commune, vous savez bel et bien qu'il y a beaucoup de gens en provenance de tous les coins du pays. Mm-hmm. Qui viennent en quête de travail, surtout au niveau des rizières, au niveau de l'élevage. Également, vous savez que notre commune est très proche de la capitale et économique. Mm-hmm. Et donc, là, à Gihanga, vous allez retrouver beaucoup de gens en provenance de toutes les communes du pays. Toutes les communes vraiment sont représentées dans notre commune. Mm-hmm. Donc, cela a un impact, je dirais, un peu négatif au niveau sécurité si on ne fait pas. Mais on a multiplié beaucoup de réunions, de sensibilisation. On a mis en place des comités, je dirais, mixtes de sécurité pour que tout le monde vraiment puisse contribuer dans certains cadres pour pouvoir donner contribution pour la sauvegarde de la sécurité. Et voilà qu'actuellement, la population a bien compris qu'elle aussi doit vraiment prendre à main la question sécuritaire. Parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Et donc, c'est le pilier de tout. Mmh. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur de la commune Gihanga. Je suis aussi avec professeur politologue Guillaume Ndaikengurutse, enseignant de sciences politiques et relations internationales. Vous venez vous aussi d'entendre les appréciations de la population de l'autre côté de la RDC. Et ils apprécient la présence des militaires burundais. Vous, en tant que professeur en relations internationales, quelle est la valeur ajoutée d'envoyer les militaires burundais en RDC? Merci pour la question. ce sont les populations concernées qui en témoignent. Donc, ces populations soulignent une plus-value sur le plan sécuritaire. Grâce à la présence des militaires burundais. Mmh. Qui d'autre qui soit mieux placé pour pouvoir en témoigner si ce ne sont pas ces populations. C'est une bonne chose parce que, vous voyez, nous sommes dans une région, nous sommes dans une région qui est depuis plusieurs années exposée à la violence, exposée à des conflits, et que les pays se mettent ensemble pour pouvoir gérer ces problèmes d'ordre sécuritaire, qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir les gérer, pour trouver des solutions. Pour moi, je trouve qu'il s'agit d'une bonne chose, c'est à saluer. Et donc, comme en témoignent ces populations, et comme l'explique bien le porte-parole de la Force de Défense Nationale, ainsi que l'administrateur de la commune Gihanga, il y a un résultat positif qui est là, ce qui veut dire que cette coopération sécuritaire, sur base de ce qui est dit par ces différents acteurs, ce qui veut dire que la coopération sécuritaire, pour le moment, entre les deux pays, elle produit des résultats appréciables. Donc, je pense qu'il s'agit d'une dynamique, partant de ce qui est dit ici, il s'agit d'une dynamique à encourager. Oui, sur le plan économique, on a entendu très récemment que le Burundi et la RDC ont signé des accords en rapport avec les échanges commerciaux. Et là, comme politologue, quelqu'un qui fait des observations sur les relations internationales, la présence des militaires burundais en RDC peut aussi apporter peut aussi apporter sur le plan économique. Rapporter sur le principe, oui. Sur le principe, oui, parce que il ne peut pas y avoir des activités économiques fructueuses lorsqu'il y a des turbulences au niveau sécuritaire. Et donc, cette présence des militaires, comme elle est en train de permettre de créer une zone sécurisée, donc ça devient, cette zone frontalière entre le Burundi et la RDC, ça crée un terrain favorable pour l'expansion des activités économiques. Donc, sur le principe, oui, la présence de ces militaires, la présence des militaires burundais, cette coopération en termes sécuritaires, normalement, elle doit donner lieu à des activités économiques fructueuses. Merci beaucoup, Guillaume Ndaye Kengurutse, politologue, professeur d'université. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de tourner le bouton que vous suivez l'émission Mosaïque. L'on parle de l'évolution de la sécurité en RDC et du côté du Burundi après l'envoi des troupes burundaises dans l'autre côté de la Rusizi, de l'autre côté de la Rusizi pour le maintien de la paix et de la sécurité. On voit que toute la communauté est-africaine s'est mobilisée pour aller soutenir la RDC. Quels sont les enjeux, monsieur le politologue? C'est pas seulement le Burundi, on voit que toute la communauté est-africaine s'est mobilisée. Il faut ici souligner que l'apport de la communauté est-africaine sur son plan sécuritaire, il faut souligner que les résultats jusqu'à aujourd'hui sont mitigés par rapport à l'apport de la communauté est-africaine. Parce que si aujourd'hui nous sommes en train de parler des résultats qui sont produits par les militaires de la Force de Défense Nationale, je pense que c'est beaucoup plus dans le cadre d'une coopération bilatérale. La communauté est-africaine est traversée par des dynamiques entre pays membres qui ne sont pas de nature à permettre une action concertée en faveur de la paix au niveau de la région. Il y a des conflits entre les pays membres de la communauté. Il y a des différends, des mésententes qui ne sont pas de nature à permettre une action concertée en faveur de la paix. Mais par contre, comme on vient de le dire, on voit qu'il y a des dynamiques sur le plan bilatéral qui produisent des résultats et des résultats qui sont appréciés par les populations, comme nous l'avons entendu au niveau de ce témoignage. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, je pense que cette communauté, il faut le reconnaître, elle a du mal à trouver de véritables leviers pour pouvoir jouer le rôle qui est le sien, c'est le rôle d'abord d'assurer la paix et la sécurité au niveau de la région. Et parce que si des États membres sont amenés à recourir au cadre bilatéral pour pouvoir gérer les problèmes d'ordre sécuritaire, c'est que d'une manière ou d'une autre, sur ce plan, il y a des défaillances au niveau communautaire. Mmh. Voilà. Oui, on accuse le Rwanda d'être derrière M23, alors que le Rwanda est aussi membre de cette communauté. Quelle est l'interprétation que vous faites à cela ? Il y a des rapports, il y a des rapports qui ont été produits par des experts des Nations Unies notamment, qui parlent effectivement d'un certain soutien du Rwanda, que le Rwanda apporte au mouvement M23. Et on ne peut que le constater et le déplorer. Pour le moment, on ne peut que le constater et le déplorer, mais cela nous ramène au réalisme. Cela nous ramène au réalisme dans les relations internationales. Oui, la paix, elle est toujours constitue toujours un objectif idéal dans les relations, mais ça nous ramène à la réalité que dans les relations entre les États, la paix et la guerre sont des phénomènes qui évoluent ensemble, qui alterne. C'est Raymond Aron qui a écrit un très bon ouvrage intitulé « Paix et guerre entre les nations » pour dire que s'il y a une caractéristique essentielle dans les relations entre les États, c'est que les relations entre les États sont toujours traversées par des dynamiques de coopération, mais aussi des dynamiques de conflit. C'est-à-dire, normalement, quand un État se lance dans l'arène internationale pour mener telle ou telle autre action, il pèse au niveau de ses intérêts. Et si aujourd'hui le Rwanda ou un autre État estime que son intérêt réside dans ce qui est en train de se passer actuellement, s'il met sur la balance les coûts et les bénéfices de son action et trouve que la ligne d'action qui lui est convenable, qui lui est utile, c'est celle-là que vous êtes en train d'évoquer, c'est de bonne guerre. Mmh. C'est aux autres États d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci beaucoup pour cette analyse. Je retourne le micro à Monsieur Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga. Avant cette crise, les Burundais traversaient à l'aise en RDC, faisaient des échanges commerciaux. Quel sera l'apport de la présence de l'armée en ce qui est commerce transfrontalier à Gihanga? Bon, merci pour cette question. Je dis que les relations entre la population de la RDC et celle du Burundi, en l'occurrence celle de la commune de Gihanga, était vraiment très bonne. On a tissé de très bonnes relations depuis longtemps. Même actuellement, ces relations existent, malgré qu'il y a des conflits au niveau de la RDC. Ces relations sont de temps en temps perturbées, mais existent. Il y a même des matchs amicaux qui sont parfois organisés entre les collines frontalières, celle de la RDC et celle de la commune de Gihanga. Également, des échanges commerciaux existent. Il y en a qui vont apporter en RDC des produits, des marchandises et d'autres, et vice-versa. Donc je dirais que malgré ces perturbations aux sécuritaires, des échanges vraiment existent et nous espérons qu'ils vont toujours s'améliorer. Oui. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole de l'armée. Le Burundi a participé dans plusieurs pays. Le Burundi a envoyé des contingents en Somalie. Aujourd'hui, le Burundi est présent au Centrafrique. Également, aujourd'hui, l'armée burundaise est en RDC pour le maintien de la paix. Et cela fait suite aux offensives opérées par le M23. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'armée burundaise tient bon face au M23 en collaboration avec FARDC? Je voulais faire une précision là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. L'armée burundaise n'a pas été déployée en RDC pour combattre le M23. L'armée burundaise a été déployée en RDC sur demande de notre pays voisin en vue de sécuriser nos frontières communes. Parce qu'il y avait beaucoup de forces négatives qui perturbaient la paix et la sécurité en RDC. Il n'y a que le M23, si le M23 fait partie, alors c'est-à-dire que les éléments négatifs qui perturbent toute la sécurité en RDC, principalement sur nos frontières communes, c'est là où la FDNB a été déployée, c'est la mission principale. Là, je tiens à signaler, il y a notamment le Raid de Tabara, il y a FNR Nzabambima, il y a d'autres mouvements là qui volent, qui perturbent la sécurité. S'il y a des éléments du M23 qui font la même chose, donc ça inclut dans le même groupe de ceux qui perturbent la paix et la sécurité en collaboration avec les FARDC, la FDNB. Va les contrer, les empêcher de faire, de semer cette zizanie, de ce climat d'insécurité. Voilà ce que je peux dire. Donc, encore une fois, je répète, la FDNB n'a pas été déployée pour combattre le M23. Ce que vous dites, ça, c'est faux et archi-faux. C'est combattre tous les acteurs qui perturbent la paix et la sécurité, empêchant les citoyens de la République démocratique du Congo pour vaquer quotidiennement à ces activités comme il le faut, mais aussi et par conséquent perturber la sécurité burundaise. Voilà. Oui, on peut parler de l'offensif au lieu de la défensive et de ces mouvements qui perturbent l'ordre sur le sol burundi en provenance de la RDC. Là, ce sont des actions, les deux mécanismes le système offensif et défensif. Ce sont des mécanismes de combat qui se développent en fonction du degré de nuisance de l'ennemi. Faire l'offensive, ça dépend de l'attitude de l'ennemi. Faire la défensive, c'est une stratégie qu'on mène, mais actuellement, on fait les deux. Voilà. Avant l'envoi des troupes burundaises en RDC, on parlait de l'avancée du M23. Mais quand les troupes burundaises sont arrivées en RDC, il se pourrait que la situation est maîtrisée. Est-ce que vous comparez le M23 et les groupes armés burundais qui sont en RDC? Je dis que les éléments qui sont en RDC, qui perturbent, il y a beaucoup d'alliances. On peut parler de Raid de Tabara isolé. Si le Raid de Tabara collabore avec M23, dans l'avancée vers le sud de Kivu, vous comprenez qu'on doit faire des actions relatives. Mais jusqu'à l'heure actuelle, les sites qui sont occupés par le M23 au nord Kivu, l'armée burundaise n'est pas là pour les attaquer, les empêcher. Il y a d'autres mécanismes qui vont être développés. Il y a les négociations d'Angola, du Kenya, la Nairobi qui sont là. Mais pour ces avancées-là visant vers le sud de Kivu, là où notre pays fait frontière avec la RDC, là, on est appelé à agir fermement et on a réussi. Actuellement, ces avancées ont été maîtrisées, raison pour laquelle on parle de sécurité, là où c'était perturbé dorénavant, que ce soit de l'autre côté de la RDC, que ce soit de l'autre côté à l'ouest de notre pays, dans les provinces Chibitoke, Ara jusqu'à Rumonge. Maintenant, la population, ce qui est bien, c'est qu'on a fait des choses, des actions qui sont bénéfiques et qui sont visibles de l'autre côté de la République démocratique du Congo, parce que c'était les lieux de refuge après avoir commis des forfaits sur notre territoire. Mm-hmm. Maintenant, on maîtrise bien le secteur et voilà, le résultat, c'est la sécurité de deux côtés, que ce soit en RDC ou au Burundi. Qu'est-ce que vous dites à ces vidéos qui sont balancées sur les réseaux sociaux montrant des militaires qui auraient été arrêtés pendant les combats par le M23. On les voit circuler sur les réseaux sociaux. Quelle est la véracité de ces audios, de ces vidéos? Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci beaucoup de la question. Et je voudrais préciser bien, mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle guerre médiatique. Dans le M23, dans le lieu de Tabara, il y a des Burundais mm-hmm. et qui ont des uniformes de notre armée. Alors, il y a ceux qui se sont rendus et qui se sont portés porte-parole ou bien représentants des membres de la force de défense nationale capturés. Et ils sont allés témoigner sur les ondes des réseaux sociaux comme quoi ce sont des militaires burundais qui ont été capturés. Je dis que la force de défense nationale du Burundi n'est pas allée combattre sur le site de M23. Comment alors le M23 a capturé nos militaires? Ça, c'est une propagande pure et simple pour montrer que ils ont capturé des militaires burundais. Mais aussi sur le site advenait qu'ils capturaient des militaires burundais. Ça, ce sont des stratégies de la guerre. Soit on met, soit on déloge. Mais si on les capture, il y a des mécanismes pour rendre les capturés. Si on leur demandait demain de les rendre, et qu'on vérifie sur les listes réelles des militaires burundais, on ne veut pas les trouver. Mm-hmm. Les numéros matriculaires qu'ils ont avancés, on a cherché dans nos documents, dans nos archives, on ne les a pas trouvés. Mm-hmm. Alors pour dire que ce sont des propagandes, des mensonges qu'ils avancent pour montrer que ils ont fait quelque chose alors qu'ils perdent du jour au lendemain, mais investissant beaucoup dans les propagandes pour se consoler suite aux pertes qu'ils ont subies. Mmh. Voilà. Et ces vidéos aussi montrent des militaires burundais tués sur le champ, perdus, qui ont perdu leurs vies humaines sur le champ de bataille. Écoutez, je l'ai dit, les militaires lorsqu'ils vont au combat, c'est normal qu'il y ait des séquences. Ceux qui sont blessés, ceux qui meurent. Mais je vous dis encore une fois que ce qu'ils ont montré, ce n'est pas vrai. Les militaires qui tombent sur le champ de bataille, là, ils ont dit sur le champ d'honneur, il y en a, on ne peut pas le nier. Parce que lorsqu'on échange des coups de feu, ça touche quelqu'un. Lorsque ça touche sur la partie sensible, il meurt. Mais je vous dis que ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, ou bien sur les images, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité. Ils rassemblent l'arsenal de guerre qui n'est pas disponible à l'armée nationale. Les matériels de communication qui n'existent pas chez nous. Alors, ils rassemblent le matériel qu'ils ont ramassé à gauche et à droite, de leur part, je crois, et montrent que ce sont des arsenaux de guerre qu'ils ont capturés à l'armée burundaise. Franchement, s'ils arrivaient à capter cet arsenal de guerre, ou bien tuer le nombre, l'effectif qu'il montre, l'armée burundaise aurait déjà terminé. Serait déjà terminé. Alors, vous-même, vous allez nu, vous pouvez voir que ce sont des pires mensonges, les éléments de propagande qu'ils mettaient là pour encourager les leurs à envie d'adhérer massivement. Sinon, les pertes qu'ils subissent sont nombreuses, mais nous, en tant que professionnels, on ne montre pas les morts de leur côté. On les demande dignement de venir les ramasser pour aller les enterrer avec toute dignité. Voilà, c'est ça le caractéristique d'une armée professionnelle. On ne montre pas les cadavres pour en faire la propagande. On respecte les morts. On dit, venez prendre vos morts pour aller les enterrer dignement. Voilà. Merci de ces précisions pour pour couper court aux informations qui circulaient dans l'opinion. Monsieur l'administrateur de la commune Gihanga, vous venez d'entendre l'intervention du porte-parole de l'armée. Il indique que de l'autre côté de la RDC, la présence des troupes burundaises a démoralisé tous ces groupes armés qui attaquaient Gihanga, et surtout dans les fête de fin d'année. Vous, comment est-ce que vous appréciez cette intervention du porte-parole de l'armée? Merci beaucoup. Nous apprécions vraiment d'abord l'intervention de nos militaires en RDC, parce que ça, comme je l'ai dit, ça a porté de bons fruits au niveau de notre commune. Et comme nous approchons même les fêtes de fin d'année, il y a parfois, je dirais, des rumeurs auparavant, qu'on a connues auparavant, comme quoi il y a des gens de mauvaise foi qui peuvent vraiment empêcher la population de fêter paisiblement donc ces jours de fin d'année, ou bien de début d'année. Donc actuellement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de semer la terreur au niveau de la population parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a des avancées très significatives au niveau de la sécurité. La population vraiment s'en réjouit et parce que on peut même travailler jusqu'à l'aube. Et vous pouvez même emprunter la RN5 toutes les heures. La circulation vraiment n'est pas perturbée et que du matin au soir, vraiment, même pendant toute la nuit, la circulation vraiment est très normale, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures. Donc je dirais que la sécurité vraiment, comme elle est très bonne, on doit vraiment en profiter afin de se lancer dans des activités de développement. C'est pourquoi même la population vraiment actuellement est vraiment à l'aise et travaille, va casser à ses activités en toute quiétude. J'ose même espérer que même ces fêtes de fin d'année, de début d'année, vont vraiment se dérouler en bonne et due forme. Oui. Merci beaucoup, politologue Guillaume Ndaïkengurutse. On a vu des vidéos démoralisantes qui montraient que les militaires burundais étaient capturés, que les militaires burundais ont été massivement tués par le M23. On peut le lire dans les sciences politiques. Le conflit à l'est de la RDC, c'est un conflit qui est très complexe. C'est un conflit qui est très complexe, qui implique aussi une sorte de guerre médiatique, une sorte de guerre de communication. Et ce n'est pas uniquement au niveau de ce conflit à l'est de la RDC. Vous voyez les grandes zones de conflit qu'on connaît dans le monde. Il y a toujours des contenus médiatiques qui sortent et qui essaient de montrer combien l'autre côté, combien l'adversaire est en train de subir des pertes. Donc, il est de bonne guerre qu'il y ait des gens qui puissent réunir ce genre de contenu. Et je ne suis pas bien placé pour dire si c'est vrai ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça constitue une autre forme d'arme. Et donc, pour moi, je me dis, ils sont sur un terrain de bataille, ils ne se lancent pas de fleurs, et que des hommes et des femmes qui se trouvent sur le terrain soient tués, je pense que c'est tout à fait... ça va de soi. Ils ne sont pas en train de se lancer de fleurs. Mais ce genre de contenu, ce sont des contenus qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Et pour moi, le plus important... Et c'est qu'on puisse aller au-delà de ça. Et déplorer d'abord qu'il y ait ce genre de combat, qu'il y ait ce genre de conflit, et que les différentes parties, au lieu de rivaliser au niveau des exploits de guerre, puissent beaucoup plus rivaliser dans la recherche de la paix. Parce que l'objectif final, c'est cela. Sinon... passer des années à, je ne pense pas, à montrer des vidéos, à montrer des contenus médiatiques où on ne voit que des morts. Je ne pense pas que ça honore qui que ce soit au niveau des protagonistes. Et donc, pour moi, je sais que c'est une guerre de communication. Je sais que ça constitue aussi une arme. Mais il faut vraiment que les partis puissent aller au-delà de ça pour rechercher la paix au niveau de la région. Parce que l'objectif, pour moi, c'est cela. Sinon, ce sont des faits de guerre à la limite, dont je ne vois pas la valeur scientifique et dont je ne vois pas l'intérêt pour les populations. Parce que ce qui importe les populations, ce ne sont pas le nombre de morts qui sont décomptés, mais c'est plutôt la paix, c'est le cadre où les populations peuvent coopérer pour se développer, se développer mutuellement. Aujourd'hui, la RDC connaît la guerre, comme le Burundi l'a connu, comme le Rwanda l'a connu. Mais pourquoi, lorsqu'il y a la guerre, il y a les combats en RDC, ça touche toute la région, toute la communauté économique des Grands Lacs? Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on s'entende sur un principe. Normalement, la sécurité sur le territoire d'un État, ça relève des fonctions régaliennes de chaque État, de chaque gouvernement. Et que, donc, aujourd'hui, la RDC fasse appel à d'autres États pour venir l'aider à contrer les menaces sécuritaires, c'est que, quelque part, elle est submergée. Elle est submergée par ces menaces, par ces groupes armés. Mais il faut se dire que décisif qui explique pourquoi elle est submergée, pourquoi cette zone constitue en quelque sorte une poudrière, c'est parce que c'est une zone qui connaît une forte richesse de sol et de sous-sol qui attise les appétits de différents acteurs. Que ce soit des acteurs de la région plus proche, mais aussi des acteurs qui sont lointains. Et tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit il y a un pays qui soutient un mouvement armé, mais jusque-là, ce pays n'a jamais été sanctionné. Il faut essayer de réfléchir et voir si vraiment ce pays agit exclusivement de son propre chef. Donc, c'est un conflit qui est très complexe et fondamentalement, la richesse de cette zone-là la rend malheureusement particulière. Et qu'est-ce qui doit être fait? Nous sommes dans la dernière minute. Qu'est-ce qui doit être fait pour en finir avec la guerre dans la région des Grands Lacs? Je pense qu'il y a un élan. D'abord, il y a un élan de sincérité que les différents acteurs de la sous-région doivent prendre. Il y a un élan de sincérité par rapport à leurs véritables intentions. Qu'on nous dise qu'on est sur le territoire de notre pays pour la recherche de la paix, c'est une bonne chose. Qu'on nous dise qu'on est là, sur le territoire de notre pays parce qu'on sent qu'il y a une partie de la population qui est sous menace, c'est une bonne chose aussi. Mais au-delà de ces objectifs nobles, quels sont les autres objectifs poursuivis? Et si c'est vraiment cette richesse qui est poursuivie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens beaucoup plus paisibles, beaucoup plus légaux pour accéder à ces richesses dans le respect de la souveraineté du pays qui en est propriétaire, et la RDC? Et puis, ce qui doit être fait au-delà de ça, je suis prof, donc je me dois de puiser dans mes connaissances comme prof de sciences politiques. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la théorie de la paix perpétuelle qui a été élaborée et jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas remise en question par un certain Immanuel Kant. Immanuel Kant a dit la multiplication des démocraties dans le monde peut conduire à une paix perpétuelle et durable. Lorsque vous regardez les régimes qui sont dans notre sous-région, il y a des démocraties en construction, il y a des démocraties en consolidation. Et l'une des voies qui peut nous permettre à évoluer vers la sécurisation de cette région, c'est le renforcement des régimes démocratiques au niveau de notre région. Il est très important que les gouvernements de notre région soient des gouvernements qui se sentent obligés de rendre des comptes aux populations. Et qui, par conséquent, chaque fois qu'ils entreprennent une action internationale quelconque, nous consultent les populations de la région. Pour que, des gouvernements qui sentent que leur légitimité se situe vraiment au niveau des populations. C'est très important. Parce que je sens que c'est comme s'il y avait une sorte de déconnexion entre les élites politiques, sociales, militaires, économiques et l'ensemble de la population. Et les intérêts qui sont souvent visés par ces élites ne cadrent pas nécessairement avec les intérêts des populations. Parce que l'intérêt fondamental des populations, dans le cas précis, dans le cas d'espèce, c'est la paix. Et la sécurité. La paix, la sécurité, le développement. Et c'est comme si c'était c'est vraiment sur un nexus. Paix, développement. Et c'est ça, c'est là où réside l'intérêt des populations. Et cherchez à savoir, posez-vous la question, si les différents États qui interviennent au niveau de ce conflit, lesquels sont en train vraiment d'œuvrer authentiquement pour la paix et le développement des populations. Merci beaucoup, Léopold Ndayisaba, administrateur de Gihanga. Vous venez d'entendre l'analyse du politologue, mais dans le cas qui vous concerne, c'est la paix, la sécurité et le développement à Gihanga. Pour que la sécurité soit meilleure dans Gihanga, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation reste paisible, qu'on ne connaît pas encore des attaques à Gihanga sur le RN5? Bon. Quel est l'appel à qui vous lancez ces appels? Bon, merci beaucoup. Je vous ai dit que ce qui favorise parfois ces cas de perturbations sécuritaires, pour notre commune, c'est sa localisation géographique. Elle est frontalière avec la RDC, avec également le parc de la Rusizi. Je crois que donc ce qui est, je dirais, un milieu favorable pour le camouflage de ces bandits, je crois, armés. Nous avons connu beaucoup de situations très critiques. Et je vous ai dit qu'actuellement, là où nous sommes, la situation vraiment est très bonne. La population vraiment va quotidiennement à ses activités. Et ce qu'il faut faire, même s'il y a des bandits armés là-bas, ou bien des autres bandes armées, je dirais qu'ils sont parfois téléguidés par déjà de mauvaises foi qui sont à l'intérieur. Parce que ceux qui sont là, qui perturbent la sécurité, parfois ce sont des Burundais, ce sont nos frères, nos sœurs. Donc il y a des Burundais qui les entretiennent. Oui, il y en a des gens qui ont gardé des liens avec donc ces malfaiteurs. Il faut décourager alors ces gens de mauvaise foi, parce qu'une fois ces bandits armés, ces groupes armés anéantis, celui qui est ici sera aussi anéanti. Donc, il faut qu'il n'y ait plus cette collaboration. Ce sont déjà de mauvaises foi, déjà des déviants dans la société. Ils sont là, mais parfois ils sont appréhendés. C'est pourquoi même actuellement, il y a vraiment une situation très bonne et très calme. Donc, je dirais qu'il faut que la population puisse prendre en main la question sécuritaire. Parce que la sécurité, vraiment, c'est le pilier de tout. C'est le pilier de tout développement. Et également, tout le monde doit contribuer. Parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront voler, qui voudront toujours perturber la sécurité. Et qu'il y a des gens qui ne veulent pas manger à la sueur de leur front. C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants. Garder la sécurité dans notre commune, parce que la sécurité vraiment, c'est pas à laisser au seul corps de défense et de sécurité, comme je l'ai signalé auparavant. C'est tout le monde a besoin de la paix, de la sécurité pour pouvoir se développer et ainsi atteindre la vision du pays. Pays émergents en 2040, pays développés en 2060. Oui. Merci beaucoup. Un dernier moment, j'accorde la parole au porte-parole de l'armée, général de brigade Gaspard Baratouza. Nous sommes dans les dernières minutes de l'émission. Vous aussi, vous avez un appel. Vous avez des militaires là-bas qui risquent d'être distraits avec ces fêtes de fin d'année. Et quelle armée compte faire et qu'est-ce qui doit être fait pour que la sécurité reste garantie sur le territoire national? Et merci beaucoup. C'est un appel qui est toujours renouvelé chaque fois à l'approche des fêtes de Nouvel An, mais aussi d'autres fêtes qui sont organisées à l'échelle nationale. Les militaires, là où ils sont, doivent rester toujours vigilants, parce que même s'il y a un semblant de paix, la menace pourrait rester toujours. La vigilance alors doit être toujours accrue parce que l'ennemi de la paix est toujours là et ne cesse jamais de tromper la vigilance de quiconque, que ce soit les membres des forces de l'ordre, des corps de défense de sécurité, mais aussi on l'appelle à la population de rester vigilante, de renseigner tout mouvement, tout ce qui est suspect et vu ou entendu dans le secteur de responsabilité, que ce soit sur notre territoire national ou bien que ce soit de l'autre côté, là on est en train de bien servir à la satisfaction de la population. Merci beaucoup. C'est par ici que s'achève cette émission. Mais avant de boucler, je rappelle que j'étais autour de ce plateau avec comme invité le général de brigade Gaspard Baratouza, porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour m'avoir invité. Et bonne fête de fin d'année. Pareillement, merci. Joyeux Noël. Merci, merci beaucoup. J'étais aussi avec Léopold Ndaïsaba, l'administrateur de la commune Guihanga. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour m'avoir aussi invité. Et joyeux Noël. Et pareillement, merci. Bonne année aussi. Ok, merci. J'étais aussi avec le politologue Guillaume Ndaï Kengourouté, enseignant des sciences politiques et relations internationales. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et bonne fête de fin d'année. Merci, merci de m'avoir invité et bonne fête à vous également. Merci beaucoup. À la cabine du son, j'étais avec Eric Wimana. Innocent Ibonimana était à la prise des images. Medani Nguru était à la réalisation. Evariste Nzikobanyanga, j'étais à l'animation de ce débat qui vous a été conjointement préparé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Bénévolentia Grand Lac. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque.